Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 28 octobre 2017. Voici les grands titres de cette édition. Des marches et manifestations ont été organisées par le gouvernement au lendemain du retrait du Burundi du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Pour l'assistant du ministre de l'Intérieur, cela témoigne de la souveraineté du pays. Télence Naïra Januan sa position en disant que ce retrait ne va pas consacrer l'impunité au Burundi. Et des restes d'un homme qui serait un prêtre de la paroisse Gihanga, tué en 1993, ont été exhumés ce vendredi. Nous aurons les précisions de notre correspondant en province de Bubanza dès le début de ce journal. Et la plateforme politique de l'opposition, essentiellement en exil sénaré, s'indigne de l'élaboration d'une nouvelle constitution du Burundi avant l'aboutissement du dialogue d'Arusha. Et à la fin, après ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, le Sénarède s'indigne de l'élaboration d'une nouvelle constitution du Burundi avant l'aboutissement du dialogue d'Arusha, selon Charles Nditijé, quand la nouvelle constitution sera en vigueur, il y a une composante ethnique qui n'aura plus de place dans la mise en place des lois. Le président du Sénared intervient après que le 24 octobre courant, le gouvernement burundais a accordé l'autorisation à la commission chargée d'amender la constitution de commencer ce chantier. Suivez Charles Nditij. Ce que nous retenons, c'est que ce n'est pas un amendement de la constitution, c'est plutôt une nouvelle constitution qui change la structure du gouvernement dès lors qu'il y a un premier ministre qui sera chef du gouvernement et qui sera ici de la même famille politique et ethnique que le président avec un mandat de 7 ans et avec un vice-président qui sera là comme figure qui n'a aucun pouvoir, aucune responsabilité. Donc c'est-à-dire qu'il vient d'enterrer l'accord d'Arusha. Et les gens qui pensent que le fait qu'il n'est pas touché aux équilibres 40-60% ou tout aussi et au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, se trompent lourdement parce que ce qui se passe, c'est que ce qui sera derrière, c'est le vote des lois. Les lois simples qui étaient votées à la majorité des deux tiers vont l'être à la majorité absolue. En clair, c'est 40% de Tutsi, ce seront des figurants, ils vont toucher de l'argent, ils vont avoir des postes de visibilité, mais sans aucun pouvoir réel, parce que le pouvoir consiste à faire voter les lois selon l'intérêt général. Donc en clair, ils seront là, ils ne pourront réfléchir ni au cours des événements, ni au cours des lois. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du dialogue d'Arusha? En clair, M. Nkurunziza vient de dire à la communauté de l'Afrique de l'Est qui pilotait les processus de négociation à l'Union africaine qui les avait mandatés aux Nations Unies qui ne veut plus entendre parler des négociations. Donc, il n'y a plus de place aux négociations. Il faut que les uns et les autres s'en rendent compte, à commencer par les Burundais, mais également ceux-là qui avaient initié ce processus. Charles Nditijé, président du Sénarède, de téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Je vous l'avais dit, des restes d'un homme qui aurait été tué pendant la guerre de 1993, selon les témoins sur place, ont été exhumés ce vendredi à Gihanga, dans la province de Bubanza. Les habitants de la 5e transversale où s'est réalisée cette activité indiquent qu'il s'agit d'un prêtre qui était basé à la paroisse de Gihanga, ce qui est également confirmé par l'administration locale. D'autres précisions avec notre correspondante Spécialitas Kavanyana. Tout a commencé mercredi au moment où un habitant de la 5e transversale à Gihanga creusait un canal d'évacuation d'eau à côté de sa maison. Il a déterré des restes d'un corps humain et de vêtements. C'est ainsi qu'il a alerté l'administration locale et ce vendredi, c'était l'exhumation officielle en présence des frères et des sœurs de la localité, de l'administrateur de la commune de Gihanga et des habitants de la 5e transversale. Dans la poche d'une chemise dont les couleurs sont à peine visibles, on y a trouvé les restes d'un chapelet et tous ces restes ont été transportés à la morgue de l'hôpital Saint-Augustin de Gihanga en attendant l'inhumation. Les habitants proches de cet endroit, tout comme l'administration locale, pensent que ce serait un prêtre qui était basé à la paroisse catholique de Gihanga, Nyoyandemye Dieudonné, et qui a été tué pendant la guerre de 1993, ce qui est également confirmé par un autre prêtre qui était avec lui à ce moment-là et qui a reconnu les vêtements qu'il portait. À titre de rappel, les restes de deux corps qui ont été dernièrement déterrés par un tracteur sur la colline Ndava-Busongo dans la même commune de Gihanga ont été finalement inhumés par les familles des victimes au cimetière. Et pas mal de personnes pensent à la disparition progressive des preuves quant au travail de la commission Vérité-Réconciliation. Spécialitas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains enfants de la commune Kirimba en province Ngozi sont livrés à eux-mêmes et vivent dans la rue. Ces enfants affirment avoir quitté leur famille respective à cause de la pauvreté. L'administrateur de la commune Kirimba, Siria Kengizabahizi, dit qu'ils envisagent les mettre ensemble pour un meilleur encadrement. C'est un reportage d'Alida Ndaikeza qui a rencontré ces enfants. Même si ce jeune garçon chante, ce n'est pas de la joie sur son corps. Ses pieds sont dévorés par les chics, ses habits sont couverts de punaises et à vue d'œil, ses cheveux n'ont pas encore connu de peigne. Ce jeune garçon porte le nom de Nyabenda. C'est un des enfants rencontrés au chef-lieu de la commune Kiremba. Il explique que la pauvreté lui a fait quitter la famille. J'étais en troisième année, puis j'ai abandonné l'école parce que mes parents ont manqué de l'argent pour m'acheter les habits. Nous sommes six enfants et nous avons une vie misérable parce que je manque de quoi manger. Parfois, j'épluche les bananes et on me donne à manger. Comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter du savon pour laver mes habits. Depuis que je les ai mis, je ne les ai jamais lavés. Même si les poux sont là, je ne m'en soucie pas. Astérie, c'est la mère de Nyabenda. En la regardant de près, elle est plus propre que son fils. Elle indique qu'elle ne peut pas prendre en charge son fils depuis qu'elle a quitté son père. Je ne vis plus avec mon fils parce que j'ai quitté son père. Nous avons eu un problème de couple et on s'est séparés. Maintenant, je vis chez ma mère. Mon fils se trouve dans cet état parce que son père est pauvre. Moi-même, je fais tout pour survivre parce que je dois travailler pour gagner ma vie. Je ne peux pas travailler avec la charge de ce garçon. Siria Kengerabahizi est administrateur de Kiremba. Il indique que certains enfants quittent les familles à cause de la pauvreté. Dans certaines familles, il peut y avoir des enfants qui quittent les ménages. La plupart des fois, ces enfants sont élevés par leur marâtre. D'autres essaient d'échapper à la pauvreté qui se remarque dans leur famille. Ce qui est désolant, c'est qu'il y a des parents qui ne suivent pas les mouvements de leurs enfants. Ces derniers sont exposés à plusieurs problèmes. En tant qu'administrateur, nous faisons des sensibilisations au niveau collinaire pour éradiquer ce phénomène. Il y a même un projet de me rassembler ces enfants. On nous a dit de faire un recensement de ces enfants pour un meilleur encadrement. Cet administratif invite tous les parents à prendre en main l'éducation de leurs enfants pour que le nombre d'enfants négligés puisse diminuer. Merci Alida Ndaikeza pour ce reportage. Et les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants jusqu'à l'âge de la majorité. Comme le précise Jacques Nshimirimana, président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB en sigle, si les parents ne remplissent pas leur rôle alors qu'ils sont en mesure de le faire, des sanctions sont prévues dans le code des personnes et de la famille. Sanctions pouvant aller même jusqu'au retrait de l'autorité parentale. Jacques Nshimirimana dit également que la FENADEB travaille en collaboration avec l'administration dans la sensibilisation et l'accompagnement dans le processus de protection des droits de l'enfant. Au niveau interne, je citerai par exemple le code des personnes de la famille, qui est un code, c'est vrai qu'il contient quelques articles qui nécessitent une révision, mais un code qui est toujours de mise et qui protège l'enfant dès sa conception jusqu'à l'âge de majorité. Je citerai par exemple l'article 284 qui définit l'autorité parentale et ses responsabilités vis-à-vis des enfants étant les charges. Je citerai également l'article 298 qui précise que une fois que c'est prouvé que les enfants sont négligés par leurs propres parents ou tuteurs, le tribunal a le plein pouvoir de décider le retrait de l'autorité parentale vis-à-vis de ses enfants et l'attribuer à une tierce personne pour s'occuper de la garde des enfants en attendant que l'affaire soit réglée avec les parents de l'enfant. En plus de sensibilisation, nos organisations interviennent dans le domaine de l'éducation, interviennent dans le domaine de la santé, interviennent dans le domaine de la protection communautaire, dans l'accompagnement du système de protection communautaire mis sur pied par le gouvernement du Burundi ensemble avec ses partenaires. Et là, je fais allusion au comité de protection des enfants au niveau collinaire, communal, au niveau provincial, des comités qui sont vraiment très efficaces en matière d'accompagnement dans le processus de protection des droits de l'enfant. Donc, nos interventions sont variées d'une organisation à l'autre. Au niveau de la fédération, comme cadre fédérateur, nous essayons de voir comment toutes ces interventions soient bien coordonnées au profit des enfants burundais. C'était Jacques Nshimirimana, président de l'organisation de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB en sigle. Et à Muyinga, il se joue depuis ce samedi les finales du championnat interuniversitaire, 4e édition. Une dizaine d'universités publiques et privées participent au tournoi dans les disciplines telles le football, le basketball, le volleyball, le handball et le football. Ce championnat, organisé par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se boucle dimanche. Le thème étant une éducation de qualité soutenue par les performances sportives en milieu universitaire. Et une marche-manifestation dite de remercier Dieu pour avoir aidé le Burundi à se retirer de la Convention de Rome instituant la Cour pénale internationale de l'Haye a été organisée ce samedi dans la ville de Lomongue, comme d'ailleurs dans les autres provinces et à mairie de Bujumbura également. Alors que c'était la joie chez la plupart des manifestants à Lomongue, certains élèves ont déclaré qu'ils ne savaient pas l'objectif de cette manifestation et d'autres sont restés chez eux. Nous reviendrons sur ces reportages. Ce n'est que partie remise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Nous ouvrons cette revue hebdomadaire de la presse par le journal Iwachu, qui a consacré ses premières pages au retrait effectif du Burundi de la Cour pénale internationale. Le journal écrit que Bujumbura jubile, car il en a fini avec la Cour pénale internationale. Certains analystes considèrent ce retrait comme une confirmation de la culpabilité, puisque plusieurs mécanismes internationaux ont toujours dénoncé de graves violations des droits de l'homme. Les réactions n'ont pas tardé, comme le rapporte notre confrère. Pour le conseiller principal à la présidence, l'ambassadeur Willy Nyamitwe, ce n'est qu'une bataille gagnée. Les récentes révélations sur la profondeur de la corruption de cette cour donnent par ailleurs raison au Burundi. La ministre de la Justice affirme que les Burundais n'ont pas de soucis à se faire. Et Laurentine Kanyana assure qu'au Burundi, nul n'est au-dessus de la loi. Et le vice-président du parti Sawanya Frodebu, Léonce Ngendakumana, trouve que la communauté internationale devrait plutôt constater la violation des droits de l'homme et agir. Le porte-parole du Sénat de Pancras Echimaye se dit déçu que le retrait du Burundi du statut de Rome se fasse sans que la CPI lance des enquêtes. Quant à Nancy Ninette Mutoni, commissaire chargée de l'information au sein du parti CNDD-FDD, le peuple a montré une fois de plus son unité et sa détermination à soutenir ses institutions face à cet instrument des impérialistes. L'hebdomadaire Iwachu termine par la réaction de Maître Armel Niyongere, un des avocats des familles qui ont porté plainte à la CPI. Pour lui, il faut savoir que même après le retrait du Burundi du statut de Rome, cette juridiction sera toujours compétente d'ouvrir une enquête. L'agence burundaise de presse ABP écrit que le Burundi fait encore face à l'épidémie de paludisme malgré une nette diminution des cas. Dans un atelier média sur la prévention du paludisme organisé par le Centre d'information, éducation et communication en matière de population et développement CIEP, le directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme a indiqué que malgré les avancées, le Burundi fait toujours face à l'épidémie du paludisme. Au directeur général du CIEP d'inviter alors les médias à apporter leur contribution, étant donné qu'ils restent les principales sources d'information de la population burundaise. Revue de la presse. Un groupe d'élèves met en place un projet d'une revue scolaire spécialisée, titre le journal « La voix de l'enseignant ». Ils sont en nombre de 11 et tous élèves du lycée Skepers de Nyakabiga et fréquentant des niveaux et sections différents. Lali Benita Nyonzima, élève de première, principale promotrice de ce projet, se confie à notre confrère, indique que l'idée est née du constat fait de l'échec des différents clubs disciplinaires et culturels opérationnels dans les différentes écoles secondaires. Ces clubs, selon elle, n'ont jamais atteint leur principal objectif assigné, celui de combler les failles en connaissances et différentes compétences attendu chez un élève du secondaire. Toujours en page éducation, l'agence en ligne NetPress écrit sur une écolière de l'école Saint-Archange d'Ongozi, Ange Gloria Mbabira, 9 ans, qui a versé sur un compte ouvert dans les livres de la Banque de la République du Burundi BRB, agence d'Ongozi, une somme de 100 000 francs burundais pour une contribution des élections de 2020, avec mention sur le bord des redeversements, acquittement du devoir civique au déroulement des élections de 2020. Et à cette agence d'ajouter que la politisation à outrance de la société burundaise n'est plus à démontrer car elle entame la tranche de la population jusqu'ici protégée des questions politiques. NetPress revient aussi sur l'information faisant état de l'arrestation de 4 cadres du mouvement armé Force Patriotique du Burundi, dont le numéro 1, le général-major Jérémy Niranyibagira, le lieutenant-colonel Edouard Chimilimana, numéro 2, Liber Nzeimana, connu sous le sobriquet de Maropa, et une dame prénommée Liberate, représentante de ce mouvement en Tanzanie. Des sources non encore identifiées, selon l'agence, indiquent que ces 4 personnes ont été arrêtées dimanche le 22 octobre 2017 par le service secret tanzanien et conduit Manu Militari dans les enceintes du service national des renseignements à Muyinga. Interrogés par plusieurs médias, les deux porte-parole de la police et du ministère de la Défense se gardent de tout commentaire. Cependant, des sources du pays de John Pombe Magufuli, le lieutenant-colonel Edouard Chimirimana et le général-major Niranyibagira, connu sous le sobriquet de Nyenye, étaient en conflit ouvert avec Hussein Rajabu. 95 millions d'euros au bénéfice de la population burundaise, titre le journal Burundi Echo. Le ministre des Finances, du Budget et de la Privatisation, Domitien Ndihokubwayo, et le délégué de l'Union européenne au Burundi, Wolfram Vetter, ont signé la convention de financement du programme d'appui à la résilience des populations du Burundi. Pour l'Union européenne, cette nouvelle mesure d'appui permettra de mettre en œuvre rapidement des actions dont vont bénéficier les plus vulnérables. Les 95 millions d'euros s'ajoutent au financement des programmes lancé depuis 2015 pour un montant de 119,5 millions d'euros. Le ministre des Finances précise que ce programme permettra de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition en améliorant la productivité, conclut le journal Burundi Echo. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse et vous a été présentée par Jean-Bosco Ndouimana et Francine Ndokubgayo. Très bonne semaine à tous. Revue de la presse.